Perdre se dit perder. Alors, je l'ai perdu, sans plongeoir, ça donne... L'eau perdit. L'eau perdit. Hein? Et quand est-ce que vous l'avez perdu? Vous posez la question à usted. Cuando lo perdió? Bien, hein? Cuando lo perdió? Et dites-moi, toujours sans plongeoir, à quelle heure vous êtes sorti? A qué hora salió? Oui, a qué hora salió? Et quand est-ce que vous êtes arrivé? Sans plongeoir. Cuando llegó? Cuando llegó? Et je vous ai appelé hier, sans plongeoir. Le llamó... Ça serait il ou elle vous a appelé. Mais je vous ai appelé, hein, je... Le llamé... Bien, hein? Le llamé, hein? Hier. Hein? Hier se dit ayer. Ayer. Bien, donc... Ayer, hein, A-Y-E-R, hein, ayer, c'est hier. Hein, à l'oral, ça ressemble beaucoup au mot français hier, hein, ayer. Mais hier soir, c'est anoche. Hein, vous connaissiez déjà esta noche, hein, ce soir, esta noche. Mais hier soir se dit anoche, hein, en un seul mot. Alors, il m'a appelé hier soir. Au passé sans plongeoir, se dira Me llamo. D'accord, me llamo, oui, hein? Me llamo anoche. Me llamo anoche. Alors, si vous voulez dire je m'appelle, ça sera Me llamo. Oui, d'accord. Me llamo. Ah non, merde. Me llamo Olivier. D'accord, hein? Cette fois-ci, c'était clair. Vous avez bien insisté sur l'avant-dernière syllabe. Donc, on est au présent. Me llamo. Alors, comment direz-vous « Je vous appelle demain » Vous voyez votre interlocuteur. Le llamo mañana. D'accord. Hein? Le llamo mañana. Donc, le llamo, je vous appelle. Mais... Il vous a appelé. Sans plongeoir, ça sera Le llamo. Le llamo. Donc, encore une fois, pour le passé, on a un cha-cha-cha. E-e-o, i-e-yo. E-e-o, i-e-yo. Donc, e-e-o pour les verbes en ar, et i-e-yo pour les verbes en er et ir. Alors, j'ai parlé à la forme simple du passé, donc sans plongeoir, se dit hablé. Il ne doit y avoir qu'une seule syllabe accentuée. Hablé. Hablé. Hablé. Et est-ce que vous, usted, vous avez parlé avec lui? Est-ce que vous avez parlé au passé sans plongeoir? Ça sera hablo. C'est ça. Hablo con él. Hablo con él. Bien. Hablo con él.